بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 50%. سازاكوتيم. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول بعض الناس عندما نقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر، يقول كيف أنكره وأنا أفعله، فيحتج بقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وحديث الرجل الذي تندلق أقداب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ donc il est interrogé à propos de quelqu'un qui on lui dit à qui on dirait pourquoi ne réprimandes-tu pas le mal. Il a dit comment je pourrais le réprimander alors que moi-même je le fais. Et puis il prend comme preuve le verset où Allah dans le sens où il dit allez-vous donc ordonner aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même. Et de le hadith de cet homme qui verra ses entrailles versées dans le feu. Pourquoi ? Pour avoir été de ceux qui ont ordonné le convenable, l'intérêt le blâmable, alors qu'eux-mêmes ne le faisaient pas. Donc il dit, quelle est votre réponse à cette parole ? فَعَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى نَقُولُ إِنَّ الْإِنسَانَ مَأْمُرُونَ بِالتَّرْكِ الْمُنْكَرِ وَمَأْمُرُونَ بِالْإِنْكَارِ عَلَى فَاعِلِ الْمُنْكَرِ فَإِذِ قُدِّرَ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكَ الْمُنْكَرَ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَيْهِ وَاجِبٌ آخَرُ وَهُوَ الْإِنْكَارُ عَلَى فَاعِلِ الْمُنْكَرِ. Donc il a dit, l'homme, il lui a été ordonné de délaisser le mal. Et il lui a été ordonné également de réprimander celui qui fait le mal. Donc si jamais il se trouvait à faire le mal lui-même, alors il resterait quand même sur lui notre obligation qui est celle de réprimander celui qui fait le mal. L'un n'excuse pas l'autre. وجاء في الآيات الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كوني يأمر الناس ولا يفعله لا على كوني يأمرهم ولذا قال أفلا تعقلون فهل من عقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله. Et ce verset là est venu pour reprocher à la personne qui ordonne aux gens alors que lui ne le fait pas. Et non pas du fait qu'il ordonne aux gens. Et dans le verset, Allah, dans le sens où il dit, à la fin du verset, ne raisonnez-vous donc pas. Donc, est-ce qu'il fait partie de la raison de la personne qui leur donne autre que lui de faire le bien, alors que l'homme ne le fait pas? قال هذا خلاف العقل كما أنه خلاف الشرع فالنهي ليس منصبا على كون يأمر الناس بل على كون يجمع بين الأمرين يأمر الناس وهو لا يفعله. Donc il a dit cela s'oppose à la raison, car cela également s'oppose à la législation. Donc l'interdiction n'est pas venue sur le fait qu'il ordonne aux gens, mais sur le fait qu'il joigne entre les deux, qu'il ordonne aux gens de faire un bien alors que lui-même ne le fait pas. وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد في من يلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار فيقول لهم إنه كان يأمر المعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ولا يأتيه. Également dans le hadith cité justement dans la question, la menace sévère qui plane sur celui qui sera jeté au feu et dans lequel c'est des attestats se reversaient au feu et que les gens du feu se réuniront autour de lui en lui disant pourquoi tu es là alors que tu étais de ceux qui nous ont ordonné le convenable et qui interdisaient le blâmable. Il dira j'étais de ceux qui ordonnaient le convenable et ne le faisaient pas et qui interdisaient le blâmable et qui le faisaient. قال هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب لكن لا لو كان لا يفعله ما ندري قد يكون عذابه أشد. Donc le hadith également indique que cette personne-là sera châtiée pour cela. Mais si cet homme-là avait fait le mal et ne l'avait pas interdit, son châtiment aurait été plus grand encore. Donc là, c'est une réponse du shir. Et cette réponse, dans certains points, elle n'est pas vraiment claire. Et là, il y a une réponse plus claire qui existe par rapport à ce verset-là. Comme dans le tafsir, on peut le trouver. c'est que là, il s'agit de quelqu'un, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Ça, c'est à propos de Yahoud. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même? Et dans un autre verset, Allah, dans le Coran, il dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous faites pas? Ou plutôt, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Et c'est un grand péché auprès d'Allah que de dire ce qu'on ne fait pas. Et en fait, l'explication, c'est que ce qui est interdit, c'est de interdire un mal aux gens qu'ils font en faisant croire que soi-même, on ne le fait pas, en fait. C'est faire passer pour quelqu'un de bien alors que tu ne l'es pas. Le verset concerne ce genre de personnes-là. Et non pas quelqu'un qui fait un mal et qui interdit aux autres de, le faire, de ne pas le faire. Ça, c'est grave de faire cela. Par exemple, des gens seraient là en train de boire de l'alcool. Et quelqu'un, il dit, oh, les frères, il faut arrêter, c'est haram de boire de l'alcool. Vous n'avez pas le droit. Tu vois. Lui, à ce moment-là, même s'il boit de l'alcool, il aura amoindri son mal en disant au moins aux autres de ne pas le faire. En leur rappelant que c'est interdit. Maintenant, est-ce que lui sera fait passer pour quelqu'un qui ne le fait pas? Non. Il dit, je bois, c'est haram, je sais. Je le reconnais. D'accord? Mais vous aussi, vous devez arrêter quand même. Même si moi, j'arrête pas, vous devez arrêter, vous, de le faire. Craignez Allah. Maintenant, c'est sûr que son conseil ne sera pas très crédible. Mais au moins, il aura amoindri son mal en interdisant aux autres de le faire. Contrairement à quelqu'un qui, lui, boit en cachette. Il boit en cachette. Et après, il va voir les gens et leur faire croire que lui ne boit pas. Et interdit aux gens de boire de l'alcool en les réprimandant, en les critiquant, en étant dur avec eux. C'est ça, en fait. C'est de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Le verset, le châtiment douloureux vient pour ce genre de personnes-là. Non. « Fuma qu'alef issoel el wahid wa khamsin madal mi'a » 151e question. « Souwila y shaykhou rahimallahu ta'ala »« Indama nakouli ba'd al-nas, limaza la tughayir hada al-munkar » أو لماذا لا تنهى أهلك من هذا الأمر المنكر؟ فإنه يحتج ويقول قال الله تعالى لا يدركم من ضل إذا اهتديتم لا يدركم من ضل إذا اهتديتم فما جوابكم على هؤلاء؟ Donc il est interrogé pour deux gens qui à qui on dirait pourquoi ne changes-tu pas ce mal? Pourquoi n'interdis pas tes proches comme ta famille, tes enfants ou autres, de faire ce mal. Puis, il dit, en disant le verset où Allah dit, que ne vous nuiront en rien ceux qui sont égarés, si jamais vous êtes bien guidés. C'est-à-dire le mal des autres ne vous nuira en rien. Sourate al-Maïda, la table de salut, verset 150. Ou plutôt 105. 105 d'âme. Donc, quelle est votre réponse à ces gens-là? فأجاب رحمه الله تعالى جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ ولكن هذا الذي يستدل بهذا أخطأ في فهمه فالآية الكريمة يقول الله تعالى ولا يدركم من ضل إذا اهتديتم. Donc il a dit ce verset là, c'est un verset qui est effectif, qui n'a pas été abrogé. Cependant, celui qui l'a pris comme preuve a mal compris le sens de ce verset là. Parce qu'il dit, dans le sens, que nous vous nuirons en rien ceux qui s'égarent si vous êtes guidés. Quand Allah wa min al-hidayah an ya'mura al-insan bil-ma'ruf wa yanha 'an al-munkar biqadri istita'atihi. Fa in taraka al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar fala yuqal innahu ihtada. Pourquoi? Car fait partie de la guidée d'ordonner aux personnes de faire le bien et de leur interdire de faire du mal, en mesure des capacités. Donc celui qui délaisse cela n'aura pas été guidé. فإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيره أوشك أن يعمم الله بعقابه. Donc si jamais le mal apparaît dans un peuple et que les gens ne le changent pas, Allah sera sur le point de châtier tout le peuple. Et quand on dit ne le change pas, c'est qu'il ne fait pas les causes pour le changer, les causes qui sont à sa portée. S'il peut faire par sa main, qu'il le fasse. Par exemple, sur ses proches, les gens sur qui il a autorité. Et s'il ne peut pas, alors par la parole. Et s'il ne peut pas, au minimum, par le cœur. Donc là, ça veut dire quoi? Qu'en fait, ce verset-là concerne des gens qui feraient du mal, à qui tu ferais dans siha, mais eux perdurent sur leur mal. Donc ces gens-là, s'ils perdurent sur leur mal et que toi tu leur as interdit ce mal-là, alors tu n'auras pas à craindre pour toi, car toi tu auras fait ton wajib. Toi tu auras fait ton wajib. Donc à ce moment-là, le verset s'applique sur toi. Mais quelqu'un qui n'aura pas empêché ce mal, qui n'aura pas réagi, lui, ce verset ne le concerne pas. On dit en premier lieu, fais les causes pour que ce mal s'amoindrise. Comme encore l'État Allah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ نَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَغَرَّنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Et lorsqu'ils ont oublié ce qui leur a été cité, nous avons sauvé ceux qui ont interdit le mal et nous avons pris les gens qui ont été injustes d'un châtiment douloureux pour le mal qu'ils faisaient. Donc Allah l'a bien dit, نَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Nous avons sauvé ceux qui ont interdit le mal. Maintenant, interdire le mal ne veut pas forcément dire que tu auras un résultat, mais au moins tu l'auras fait. Tu auras essayé, tu auras parlé, tu auras agi. Après, la guidée ne te revient pas à toi. Vous voyez ? Tu ne fais que le rappel. Et tu n'es pas quelqu'un qui a de pouvoir de contrainte sur eux. Ah, non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non.